Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio entièrement dédié aux arts visuels à Québec sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland à la co-animation avec Gentiane La France. Bonsoir, Gentiane. Bonsoir, Myriam Leland. Alors, ce soir à l'émission, notre chroniqueuse Delphine Eggesbar revient sur le spectacle virtuel Touche-moi encore, entre parenthèses, par la fenêtre, qui a été diffusé dans le cadre du Moment Multi les 4 et 5 février dernier. Et Myriam et moi, on a eu l'occasion de s'entretenir avec elle et on a regretté de ne pas être allé voir le spectacle. Oui, vraiment, grâce à la superbe description de Delphine, ça nous permet de vivre ou revivre ce spectacle-là, qu'on l'ait écouté ou pas. Gentiane, toi, tu t'es entretenue avec une artiste aussi pour l'émission de ce soir. Tout à fait. J'ai rencontré Caroline Gagné au sujet de son exposition qui est actuellement présentée au Centre Le Lieu en collaboration avec Christophe Havard. Donc, l'exposition rouvre au public aujourd'hui et on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus en profondeur avec Caroline. Puis, je me suis entretenue également avec Michel Drapeau, d'À l'Est de vos empires, à propos de leur résidence de recherche au Moi Multi, qui prend la forme de la commission d'enquête commissariale. C'est un projet super intéressant. J'ai adoré ça. C'est intriguant. J'ai vraiment aimé ça, jouer sur leur site web et en parler avec Michel. Bien sûr, on a l'habitude de les recevoir à l'émission, nos chères cousines d'À l'Est. Puis, c'est moi qui ai fait la sélection audio ce soir avec l'artiste Firas Nasri de Montréal. Donc, entre électronica, downtempo et techno, entre obscurité et lumière, Firas Nasri nous emmène dans un voyage mystérieux avec l'album La Levantine. Donc, on se laisse tout de suite avec la première pause audio. Berlin in the Sand, feat An Ki-sun et Nadim Swaib. Et au retour de cette pause audio, on écoute la chronique de Delphine Eggesbar au sujet de Touche-moi encore par la fenêtre. Nous sommes de retour à l'aérospatiale, Myriam Leland et Gentiane La France. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de Delphine Eggesbar. Bonjour Delphine. Bonjour. Et Delphine, tu as assisté virtuellement au spectacle Touche-moi encore, entre parenthèses, par la fenêtre, qui est présenté dans le cadre du Moi Multi. Et comment t'as trouvé ton expérience? Bien, très agréable dans le contexte de ce spectacle-là parce que ça nous permettait vraiment d'entrer dans un univers puis de découvrir physiquement comment il se déployait, mais qui nous... on va le voir, tu sais, en fait, dans plusieurs spectacles du Moi Multi, c'est certain qu'il y a une réflexion sur le médium numérique ou comment, tu sais, nécessairement le spectacle va se vivre la plupart du temps par le biais de l'écran. Et dans le cadre de ce spectacle-là, je trouve que ça fonctionnait assez bien parce qu'on arrivait à vraiment entrer dans cet espace-là, puis parfois il y avait un écran qui nous donnait à voir un autre écran dans un espace, mais c'est sûr que dans le cadre de cette édition-là, il y a vraiment, tu sais, à la fois des balades sonores qui vont travailler le médium numérique, mais simplement de manière par la musique, par le son. Il y a aussi des détournements de la plateforme Zoom qui permettent justement d'entrer dans des installations. Donc, vraiment, c'est comme devenu un lieu d'exploration pour ça. Puis je pense que c'est vraiment comme ça que les commissaires de cette édition-là l'ont vu. Je pense qu'ils ont décidé d'aller à fond dans cette approche-là parce qu'à défaut de pouvoir faire comme d'habitude, je pense qu'il fallait réfléchir à un festival d'art multidisciplinaire et électronique à vraiment dans cette... à travers cette lentille-là, finalement. Ouais, ça a été vraiment le cas. Ouais. Il fallait vraiment réfléchir justement à un festival numérique plutôt qu'un festival, moi, multi, transposé au numérique. Donc, il fallait vraiment que ça soit Exact. une composante intégrante là, du développement de cette édition-là. Oui, c'est ça. Puis les commissaires, quand même, l'ont dit que ça avait impliqué certains deuils dans le contexte de la programmation, mais ça l'avait permis aussi de nouvelles choses. Et ce spectacle-là, Touche-moi encore par la fenêtre, c'est un spectacle qui était capté en direct, diffusé en ligne. C'est un projet qui a été développé par Josiane Bernier et Philippe Lessard-Drolet. Josiane Bernier, c'est une artiste en danse contemporaine. Philippe Lessard-Drolet, un artiste multidisciplinaire qui œuvre entre autres au sein du théâtre Rue d'Ingénierie. Mais ces deux artistes qui collaborent assez souvent avec les Incomplètes, par exemple, ou avec l'orchestre Homme Orchestre. Fait que déjà, ça vient camper un peu le type d'univers, d'espace, d'ambiance dans lequel on peut se retrouver avec ces artistes-là. C'est une œuvre multidisciplinaire où on voyait se conjuguer la danse, la vidéo et des dispositifs mécaniques un peu bricolés ou détournés. Et c'est une incursion dans la vie à deux de ces artistes-là. Et dans le spectacle se côtoyaient à la fois l'amour entre ces deux artistes-là, le quotidien de leur vie, mais aussi le travail à deux parce qu'ils collaborent aussi comme professionnels. Fait qu'on était vraiment dans cet univers-là, multifacette qui unissait les deux artistes, donc Josiane Bernier et Philippe Lessard-Drolet. Le début du spectacle, je l'ai trouvé assez fascinant parce j'avais l'impression qu'il se déroulait un peu en circuit fermé parce qu'en fait, on découvrait le dispositif, en fait, l'espace dans lequel se déroulait le spectacle qui était une enfilade de pièces construites assez sommairement où on avait les squelettes de murs construits en 2 par 4 mais qui n'étaient pas couverts. Fait qu'on voyait au travers des murs des différentes pièces. On se déplaçait à l'intérieur de ces pièces-là et la raison pour laquelle je dis que c'était un peu en circuit fermé, c'est qu'en fait, au départ, Josiane Bernier et Philippe Lézard-Drolet se passent la caméra de main en main. On se déplace un peu comme dans un long plan séquence, comme un travelling là, à travers ces pièces-là. On a tout à fait conscience du fait que la caméra change de main. La caméra, elle, nous permet en fait de voyager à travers l'espace, nous donne à voir parfois des écrans dans lesquels il y a certaines vidéos qui se déroulent. Parfois, on aperçoit des miroirs qui nous permettent de voir d'autres lieux, en fait, d'autres points de vue à l'intérieur de cet espace-là. Fait que vraiment, par toute cette séquence-là, on dirait qu'on multipliait des fois les espaces-temps, mais en étant toujours en fait à travers le regard de la caméra qui était dans les mains d'un ou l'autre des artistes, puis on pouvait les apercevoir en train de manipuler les lumières ou une console de son qui permettait de modifier aussi l'atmosphère de cet espace-là. Fait que c'est C'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de très empathique avec cette espèce d'expérience-là où la caméra est à la première personne. tout à fait. Puis ça, en fait, ça va rester tout au long du spectacle parce qu'on va toujours avoir conscience que c'est une personne qui tient la caméra. Donc, je pense, à mon avis, là, qu'à aucun moment cette caméra-là est posée sur un trépied ou qu'elle glisse sur un trépied à roulettes ou quelque chose comme ça. On sent toujours que la caméra est dans les mains de quelqu'un puis qu'elle se déplace puis qu'elle est très près. Et c'est Fait que vraiment un plan séquence caméra à l'épaule. ben, dans la première partie du spectacle, c'est comme ça. OK. Puis on est toujours un peu à l'avant de la cam ben, en fait, à l'avant de la scène, puis à l'arrière de la scène en même temps. On voit toujours un peu les dispositifs qui permettent la mise en scène de ce qu'on est en train de regarder. On voit les interrupteurs de lumière, on voit les consoles, comme je disais, les équipements et tout ça. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Puis pour moi, il y a un moment où il y a vraiment un point de pivot là, dans le spectacle où là, on va avoir une séquence filmée vraiment qui va être diffusée où on va se retrouver dans l'intérieur d'une maison ou d'un appartement. On se doute que c'est peut-être l'intérieur de vie des deux artistes. Et c'est là où on est vraiment dans l'univers de la quotidienneté aussi qui habite aussi à toute l'espèce de dispositif scénique où il y a des lampes, des cadres, des souvenirs. Et là, justement, on bascule dans un vrai espace domestique, la cuisine, l'univers de la cuisine aussi qui revient là, à plusieurs moments dans le spectacle où on va préparer du café, où on va avoir aussi une mini cuisinette qui a été trafiquée par les artistes là, puis qui va pouvoir s'allumer là, avec différentes lumières et tout ça, là. Donc, c'est assez, ces motifs-là, ils reviennent assez souvent dans l'univers du spectacle et éventuellement, il y a un troisième œil finalement qui apparaît dans cet ensemble-là, et c'est ce qui va nous permettre de voir les deux artistes ensemble, danser ensemble, se rencontrer. Tu sais, il y a vraiment ce moment-là, je trouve, de rencontre des corps entre les deux artistes qui collaboraient jusqu'à présent, mais qui là sont vraiment ensemble devant nous. Et c'est un spectacle vraiment où il y a cette question-là de l'intimité qui transparaît beaucoup, parce que si je pourrais dire la troisième partie peut-être du spectacle, où il y a beaucoup de moments où on les entend réciter des textes qu'ils ont écrits à différents moments de leur vie, qu'on se doute qu'ils sont des vrais textes qui ont été vraiment écrits, qui sont datés, qui nous laissent suggérer peut-être que c'est un moment où un mariage était célébré, ou Noël peut-être. Donc, pas des Oui. textes qui ont été vraiment écrits spécifiquement pour le spectacle, mais plus qui ont été collectés à travers les années, là. Oui, c'est ça, puis qui ressurgissent dans le contexte de ce spectacle-là et qui nous donnent accès à quelque chose de très intime, de très personnel, mais on reste quand même tout le temps dans l'intime et la représentation de cet intime-là dans un contexte de spectacle. Fait qu'on est vraiment toujours dans ce vacillement-là qui est très intéressant, qui nous fait toujours nous questionner sur ce qu'on est en train de voir. Puis je pense que c'est ce qui fait peut-être qu'on aborde la question de l'intimité, de l'extimité là, dans ce contexte-là, dans le décueil. Il y a quelque chose d'intime, mais qui est partagé avec le public, qui est partagé, c'est ça, qui est plus quelque chose de très personnel, puis de garder pour soi. Fait que c'est vraiment très, très intéressant ce spectacle-là. C'est fait avec beaucoup de finesse, je trouve. Puis il y a quelque chose de vraiment beau dans le fait de voir la rencontre entre ces deux personnes-là, ce qui est partagé, puis à la fois comment ils sont capables de construire des espaces extrêmement complexes. Puis justement, ce point de revirement-là où la caméra, elle va toujours rester justement à la première personne, comme Jantine le disait très, très bien, mais ce troisième œil-là qui finalement est Josiane Roberge, qu'on ne va jamais voir dans le spectacle, mais qui devient comme une collaboratrice pour mettre en œuvre le spectacle. J'aurais une petite question pour toi en terminant rapidement, Gentiane, pas Gentiane, Delphine, Gentiane aussi si tu as envie de répondre, mais petite anecdote, j'écoutais hier soir Haunting of Hill House, puis dans un des épisodes, il y a un gros plan séquence comme ça qui rend vraiment la tension, puis on a vraiment l'impression d'être quelqu'un qui se promène là-dedans, ça fait très pièce de théâtre filmée, puis ça me fait penser un peu à ça, même si c'est très différent, puis je me demande en fait. Si tu avais un mot à apposer sur l'ambiance de ce spectacle-là, lequel serait-il? C'était quoi? Qu'est-ce que ça te fait sentir? Bien, je pense qu'on pourrait dire qu'on était proche. Tu sais, vraiment, parce qu'on sentait des fois qu'on pouvait se pencher sur quelque chose, s'approcher très, très près d'un objet, voir les deux artistes s'embrasser de très près aussi. Donc, il y avait. Je pense que je. Proximité. Ouais, je pense que par rapport à la manière de traiter la caméra dans ce spectacle-là, je pense que ce serait ce qui ressortirait à mon avis. Oui. Ben, merci beaucoup, Delphine Eguesbar, pour ta magnifique chronique. C'est comme si on y était. Ça donne envie de voir ce spectacle-là. Donc, nous, on se laisse pour une pause musicale. Retour à l'aérospatiale et j'ai avec moi au bout de l'écran, Caroline Gagné qui se trouve en ce moment en montage à l'Espace F à Matane. Mais c'est pas de l'Espace F qu'on veut parler aujourd'hui, c'est de cette exposition, ce projet qui est présenté actuellement au lieu, le projet Rivage. Caroline, que tu fais en collaboration avec Christophe Havard. Donc, c'est une collaboration qui se fait d'un côté et de l'autre de l'océan. Exactement. Christophe vit à Saint-Nazaire, qui est à l'embouchure de la Loire, qui donne sur l'Atlantique. Donc, c'est de part et d'autre de l'Atlantique. Et de part et d'autre d'un fleuve qui mène sur l'Atlantique aussi. Oui, en fait, j'ai connu Christophe à l'époque où j'ai travaillé à Avatar comme directrice artistique. Il était venu en résidence 2 semaines avec deux autres artistes de leur groupe qui s'appelait Immensity of the Territory. Puis, par la suite, on a continué à échanger des messages, à correspondre. Puis, un jour, d'une manière inattendue, il m'a envoyé un dessin qu'il avait fait qui comparait les courbes des marées de l'embouchure de la Loire, puis ceux du Saint-Laurent. Donc, c'est un peu le point de départ de ce projet Rivage. Et puis, ça fait combien d'années que ça dure, cet échange-là autour de ces fleuves, autour de l'Atlantique, de tout l'espace qui vous sépare? Ce premier dessin-là, il me l'a envoyé en 2017. Puis chaque jour après, il a nourri d'un diagramme comme ça. C'était comme une façon, tu sais, des fois entre artistes, on dit « Ah, ça serait le fun de faire un projet ensemble », puis finalement, ça tombe un peu dans la multitude de choses à faire quotidiennement, puis ça tombe dans l'oubli. Puis je trouvais que Christophe, le fait qu'il alimente comme ça d'un diagramme quotidien, pendant toute une année, ça a fait que ça a créé ce lien-là, en fait, de créer. Puis à ça, c'est ajouté un paquet de matériaux, là, des photos, des vidéos. Après ça, on s'est vus, donc on a fait des enregistrements ensemble de sons. Ça, c'est devenu, en fait, ce qu'on voit dans l'installation Rivage, c'est peut-être 3% de ce qui existe de matériaux. C'est vraiment, on a choisi ce qui avait du sens, mais on pourrait refaire un autre projet complètement avec des matériaux différents, puis issus quand même de cette expérience d'échange-là. Donc, c'est la pointe d'un iceberg, si on veut. Un peu ça, oui. Et puis, c'est un projet, comme tu le dis, qui est multidisciplinaire. On parle d'art audio, on parle de vidéo, on parle de photos, on parle également de musique. Donc, il y a beaucoup de matériel qui se rencontre. Et puis, en quoi consiste cette rencontre-là dans l'installation au lieu en tant que telle, que j'ai pas vue d'ailleurs parce que ça ouvre à peine, là? Oui, c'est ça. J'ai fait le montage il y a une dizaine de jours, puis on s'était dit on documentera. Il y a Noah aussi du lieu qui a fait une capsule. On voulait trouver d'autres manières de montrer ce travail-là. Puis finalement, ça va être ouvert au public, donc c'est vraiment génial. De ces diagrammes-là, les observations par rapport au fleuve, à la Loire, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait des décalages, en fait, dans les marées. C'était, tu sais, quand c'était une marée haute là-bas, c'était une marée basse ici. Puis ça nous a guidés, en fait, à réfléchir sur ça, le déphasage, la distance. Puis en même temps, on a toute une série de photos que c'est la Lune, parce que c'est le seul objet qu'on pouvait voir en même temps. Donc, de tous ces contenus-là, il y avait à la base ces courbes de marée. Fait que Christophe, lui, avait commencé l'idée de travailler à partir de des sons synthétiques, là, comme intuitifs quand même, parce que c'est pas généré par un ordinateur, mais c'est lui qui les crée à l'aide d'un synthétiseur. Il voulait voir ce que ça donnerait les deux fréquences des marées qui se croisent. Donc, des fois, c'est très grave. Des fois, ça fait un battement dans le son parce que les ondes sonores se croisent. Fait qu'on est parti de ça. Donc, de partir à partir de cette espèce de dissonance qui est créée par le décalage. Exactement. Des fois, c'est très harmonieux. Des fois, c'est dissonant. C'est... Donc, lui, il avait cette idée-là, là, comme qui s'est dit, que je vais faire? C'est parce que c'est très... le projet a commencé comme ça, par plein d'idées qu'on n'avait pas trop articulées. Là. Ensuite de ça... Bien, comme on a fait beaucoup d'enregistrements ensemble, lui, il est venu au Canada, on a enregistré sur la rive du fleuve, tout ça. On avait énormément de contenu de phonographie. Puis moi, j'avais tout de suite, au début, j'ai eu la vision de deux petits moteurs qui pourraient articuler des objets. On a décidé que ce serait les haut-parleurs qui représentent chacune des marées. Au rythme des marées. Donc, ça fait un mouvement assez lent, sauf qu'on a triché parce que ce n'est pas la vitesse réelle. C'est, on a comme échelonné, si on veut, une marée dans notre projet dure 2 minutes, je ne sais plus quoi, en fait. Donc, ce n'est pas des marées de 24 heures. Comme, pour les rendre perceptibles, en fait. C'est ça, oui. Pour l'expérience de l'installation en galerie. Là. En plein ça. Puis, en même temps, ça garde. Il y a quelque chose de vraiment doux. Puis moi, tout de suite, j'ai eu l'idée d'associer à ça des images vidéo, mais que je ferais à Saint-Nazaire et que je ferais au bord du fleuve. Avec Christophe, on en a fait. Il m'en a envoyé. En tout cas, on a fait beaucoup d'échanges. Puis mon idée, c'était que les images qu'on verrait suivraient les sons des marées. Donc, on voit toutes sortes de textures d'eau aussi. Donc, il y a une projection vidéo qui est deux images. Il y en a une, c'est les images de la Loire. L'autre, c'est le fleuve Saint-Laurent. Fait que tout ça ensemble, ça crée un univers, en fait. En plus de ça, Christophe, à un moment donné, il s'est mis à nourrir le diagramme d'un petit accord pour piano, quelques notes pour piano qu'il écrivait sur une portée. Puis, on a demandé à un de ses collaborateurs de les interpréter. Donc, c'est ça aussi, Rivage, que je trouve vraiment fascinant. C'est que, comme ça, on dirait qu'il y a des collaborateurs qui viennent, qui nourrissent aussi le projet. Mm-hmm. Par exemple, pour le lancement du livret, jeudi, au lieu, il y a Philippe Després, qui est un jeune performeur super talentueux, qui a accepté de se prêter au jeu de contribuer à un geste performatif, une idée que j'avais pour le lancement. Donc, lui, il vient aussi nourrir Rivage. Donc, je pense que ça se déplie de toutes sortes de... dans toutes sortes de ben, c'est ça. De, toutes sortes de visions, mais toutes sortes de personnes aussi. Mais oui, c'est intéressant parce que vous partez d'un phénomène qui se passe de part et d'autre et il y a de multiples interprétations que vous en faites avec différents outils. Et puis là, vous amenez les collaborateurs, les collaboratrices à les interpréter de différentes manières aussi. Exactement. Puis c'est riche, en fait. Mm-hmm. Créer de cette façon-là, c'est riche parce que tout de suite, on a des interlocuteurs dans la création. C'est pas une création collective, mais en tout cas, pour moi, c'est une première expérience comme méthode, puis je trouve que c'est vraiment riche. Et pour ce qui est du livret, en terminant, Caroline Gagné, on le lance sur la plateforme Zoom ce jeudi, demain. Et puis, en quoi il consiste, ce livret, en quoi il vient s'ajouter à ce projet Rivage qui est présenté au lieu? La question est bonne parce que justement, c'est comme si quand on a créé l'installation, il y a une première version qui avait été présentée au festival Les Instants Fertiles à Saint-Nazaire. Puis là, au lieu, c'est comme une X, en tout cas, version. Puis on avait au départ l'idée de créer un album de pièces audio. Donc, on a choisi une trentaine de marées, là, de dates, puis à partir de tous les éléments qu'on avait ces journées-là, donc des photos, des textes, des sons, bien, on a décidé de créer des courtes pièces Puis ça, ça donne un album audio numérique. Donc, c'est cet album-là qu'on lance au lieu. Puis, plutôt que faire un disque avec une pochette de disque, on a décidé de faire un livret imprimé. Donc, les gens vont pouvoir télécharger les pièces. Puis à ce moment-là, nous, on poste le livret. Le livret, il y a un poème qui vient de nos échanges sur les distances et les proximités. Et il y a toutes les petites partitions des notes pour piano qui font partie des œuvres. Fait que quelqu'un qui voudrait les jouer pourrait. Donc, on invite les publics à venir interpréter l'œuvre comme... Encore une fois, oui. Comme Christophe Havard et toi, Caroline, vous avez invité des collaborateurs, des collaboratrices à participer également puis à venir réinterpréter cette œuvre multiforme. Mais merci beaucoup, Caroline Gagné, pour ce bel entretien. Ça me fait vraiment plaisir. À l'écoute de l'aérospatiale, Myriam Leland au micro et avec moi, j'ai Michel Drapeau. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Donc, on te reçoit, Michel, parce qu'on aime toujours se te recevoir, bien sûr, mais principalement dans le cadre de ce qui s'appelle la commission d'enquête commissariale, qui est une résidence de recherche dans le cadre du mois multi. Donc, Michel, on t'a déjà reçu à l'émission parce que avec Sylvia Pellissier, vous êtes les co-fondatrices du podcast « À l'est de vos empires ». Et c'est en tant que collectif « À l'est de vos empires » que vous faites cette résidence-là. Oui, exactement. En fait, c'est l'équipe de commissaires du mois multi qui sont entrés en contact avec nous pour nous inviter à participer au festival cette année. Puis, l'invitation était très ouverte, carte blanche. En fait, on nous invitait à venir infiltrer, parasiter l'événement pour pouvoir, avec nos chapeaux de médiatrice, journaliste culturelle, commissaire, critique, Carmen Sandiego. C'est une posture très hybride, très hybride que nous avons à l'est de vos empires. Et bon, ils nous ont invités à vraiment faire une résidence pendant toute la durée du festival pour être sur place et faire de la création de contenu. Donc, sur nos canaux de diffusion habituels que sont la balado-diffusion et le texte via notre vue en ligne. Mm-hmm. Et on a bien sûr accepté l'invitation avec grand plaisir. Puis, on a souhaité non seulement venir en tant qu'à l'est de vos empires, mais on a voulu aussi développer tout un concept à la fois esthétique et performatif pour vraiment venir comme nourrir ce projet-là en tant que projet exceptionnel, un peu hors du commun. Puis, il faut le dire, on a vraiment voulu s'amuser avec cette participation, puis trouver une manière à la fois ludique et conceptuelle de réfléchir à notre propre pratique à l'est de vos empires. Et pour quelqu'un qui n'a pas encore été visiter le site web de la commission d'enquête commissariale, ça peut paraître être très flou tout ce que tu viens de dire, mais je le vois vraiment. Là, pour l'avoir regardé ce matin, c'est tellement un beau concept avec plein de branches qui s'en vont un peu partout, mais qui se tient dans ce tronc-là qui est à l'est de vos empires. Comme le dit votre intro, en tout cas, j'ai vraiment vécu quelque chose. Ah, oh, ben, je suis très contente de l'apprendre. Oui, vraiment. Ben, pour justement les gens qui n'ont pas encore eu la chance de visiter le site Commission d'enquête commissariale et qui devraient vraiment y aller en passant, là, je lance ça comme ça à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce qu'on voit sur le magnifique site que vous avez développé pour cette résidence-là? Alors oui, concrètement, la commission d'enquête commissariale, c'est un bureau d'enquêteurs et d'enquêtrices qui viennent espionner les dessous, les coulisses du festival, qui viennent observer, prendre en filature les artistes qui participent au festival pour, voilà, mener des enquêtes et rapporter les informations récoltées. Donc, en gros, c'est ça le jeu qu'on joue. Puis, pour ce projet, on avait trois composantes qui étaient très importantes pour nous. On voulait qu'il y ait un aspect de surveillance et qu'on soit, voilà, surveillé pendant toute la durée du festival. Donc, sur notre plateforme web, on a une diffusion en direct via Twitch qui permet aux public de venir sur notre plateforme web commission-d'enquête-commissariale.com et de nous voir au travail en tout temps. Ça permet aussi d'avoir un point de vue privilégié sur nos méthodes de travail, nos processus, les différentes étapes de production de nos contenus. Ensuite, deuxième composante importante pour nous, c'est qu'on voulait avoir un babillard virtuel, un peu comme un babillard qu'on verrait dans une commission d'enquête policière, comme on voit dans les films noirs. Avec les fils rouges qui relient les différents éléments. Exact. Donc, on cumule des preuves, des indices, et voilà, notre babillard virtuel sur la plateforme web nous permet de cumuler au fil de la résidence des extraits sonores, des images et des bribes de texte. Donc, au fur et à mesure de la résidence, on peut retourner encore et encore sur la plateforme web et voir le nouveau contenu qui s'y ajoute au fur et à mesure. Puis finalement, une troisième composante qui est très importante pour nous et pour le projet, c'était l'interaction avec les publics. Et cette interaction est permise via un système de formulaire sur la plateforme web où, en fait, on a un formulaire de requête d'enquête où n'importe quel membre du public, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des amateurs d'art, des curieux, des gens qui veulent nous envoyer une requête pour rigoler simplement, eh bien, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et l'objectif de ce formulaire, c'est de permettre aux membres du public de nous semer sur des pistes ou de nous proposer des enquêtes. Et donc, nous, on essaie de répondre à ces requêtes, justement, en allant cumuler des informations, en espionnant les artistes, en suivant les activités du festival, puis en fait, en préparant des rapports pour répondre à ces requêtes d'enquête du public. C'est très complet comme résidence. C'est vraiment, ça me fascine. Où est-ce que vous avez trouvé l'inspiration pour ça? Parce que c'est pas quelque chose qu'on a, en tout cas personnellement, j'ai jamais vu quelque chose comme ça en termes de médiation culturelle, vraiment d'aller chercher les gens pour leur dire, écoutez, c'est ça qu'on fait quand on fait de la critique ou de l'histoire de l'art, c'est pas si compliqué que ça, puis tout le monde peut le faire un peu si on se donne la peine de le faire. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Mais oui, c'est une bonne question. En fait, à l'origine, lorsqu'on a commencé à réfléchir à notre participation au festival, on l'imaginait encore en présentiel. Donc, nous, on souhaitait vraiment être sur place puis pouvoir interagir avec les publics, enregistrer des extraits sonores avec les publics pour vraiment les faire participer avec nous à la création de contenu en analysant avec nous les œuvres, les spectacles proposés au festival. Donc, c'est un peu dans cette volonté-là qu'on a voulu garder cette possibilité-là, malgré la distanciation, malgré la dimension virtuelle, de permettre aux gens de participer avec nous à cette réflexion. Donc, c'est ça la critique d'art, c'est qu'on absorbe la création, on se pose des questions, puis on tente d'y répondre avec différentes analyses. Puis c'est un peu à ça qu'on invite les publics à embarquer avec nous comme processus. Puis il faut savoir aussi que pour nous, il s'agit vraiment d'un jeu de mots conceptuels, la commission d'enquête commissariale, parce que avec notre collectif à l'Est de vos empires, on est surtout formé en histoire de l'art, on fait beaucoup de projets de commissariat notamment. Puis le terme commissariat est très méconnu, c'est un métier qui est nouveau. puis qu'on confond beaucoup avec justement le commissariat de police. Surtout puisque français, oui, c'est ça. Oui, exact. En anglais, on a c'est curator, curating, mais en français, commissaire, c'est comme un mot emprunté à un autre domaine. Oui, puis ce qu'on veut démontrer, c'est que finalement, il y a beaucoup de points en commun entre le commissariat d'enquête et le commissariat d'exposition. Tu sais, c'est de la recherche, c'est de vraiment tenter de résoudre des problèmes, des enjeux, des questionnements, puis... comprendre le contexte d'une enquête, justement, pour mieux comprendre l'objet de cette enquête-là. C'est vraiment une belle approche que, comme je dis, j'ai jamais vue en commissariat ou en critique d'art. On se laisse pour une courte pause musicale et au retour, on continue de parler de la commission d'enquête commissariale dans le cadre du mois multi 2021. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Myriam Leland à l'animation et toujours avec moi, Michel Drapeau de la commission d'enquête commissariale qui est, comme on le disait, cette résidence de recherche dans le cadre du mois multi, résidence sérieuse mais irrévérencieuse, donc plein de plaisir. Juste avant la pause, on parlait justement des origines de ce projet-là, de qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on peut voir sur le site web. Puis Michel, j'aimerais ça t'entendre parler un petit peu de comment ça se passe, parce que là, on a parlé un peu justement de ce que vous vouliez. Comme dans toute bonne résidence, il y a un plan de départ, il y a la résidence qui arrive, puis à la fin, on se dit « ouais, finalement, c'était pas tout à fait ça ». Mais de ce que tu me dis, ça semble être plutôt s'être réalisé, en fait. Ça semble ressembler à ce que vous vouliez faire. Donc, j'aimerais ça t'entendre un peu sur qu'est-ce qui se passe au jour le jour, là, présentement. Oui, avec plaisir. Eh bien, pour vous décrire de manière un peu plus concrète comment on est installé pendant toute la durée du mois multi, en fait, on a installé les bureaux du commissariat dans la caserne d'Alousie, donc qui est un lieu où, justement, il y a plusieurs spectacles qui sont travaillés. Il y a des résidences d'artistes qui ont été faites avec Recto Verso en amont du festival. Et donc, nous, on se trouve dans l'ancien bureau de Robert Lepage. C'est un véritable privilège. Et on s'est vraiment installé comme un bureau d'enquête policière. On a notre gros babillard où on cumule les requêtes d'enquête qu'on reçoit via notre formulaire web. On porte tous et toutes le même uniforme. Donc, on a nos trenches et nos chapeaux rouges, un peu à la Carmen San Diego. Donc, tous les jours, si vous allez voir entre 10h et 17h sur la plateforme web commissiondenquêtecommissariale.com, vous pouvez nous voir au travail, à nos bureaux. Et en fait, nos journées sont habitées de différents protocoles d'enquête. Il faut savoir qu'on a nos petits calepins de notes, on a nos loupes, on a nos appareils photo en main et on fait souvent des tournées d'espionnage dans ce grand bâtiment de la caserne parce qu'il y a des artistes sur place qui sont en répétition, en création, en préparation de spectacles. Donc, on a l'occasion d'avoir un point de vue privilégié donc sur les dessous, les coulisses de l'événement. Puis, on en profite pour saisir des petits extraits sonores, des images, on prend des notes, on observe ce qui se passe. Sinon, une autre activité qui occupe beaucoup nos journées à la commission d'enquête commissariale, c'est qu'on mène des interrogatoires, c'est-à-dire qu'on reçoit des artistes, des membres de l'équipe de Recto Verso également dans nos bureaux pour leur poser des questions, essayer voilà, de mener nos enquêtes en essayant de comprendre davantage leur création, leur pratique, leur œuvre qu'ils et elles présentent au mois multi. Et donc, il y a possibilité, encore une fois, de voir en diffusion en direct, mais il faut savoir aussi que par la suite, on passe par tous nos processus de production réguliers, on fait le montage sonore et on publie sur le web les extraits sonores qui sont enregistrés. Il faut savoir aussi qu'on a des encateurs et encatrices qui travaillent plutôt le texte. Donc, il y a aussi de l'écriture qui se produit pendant toute la résidence. Puis finalement, on reçoit nos requêtes d'enquête qu'on tente de répondre via ces différents processus. Puis, je me demande justement ces requêtes d'enquête-là, parce que je suis allée regarder un petit peu le formulaire de requêtes d'enquête qui m'a bien fait rire, en fait. C'est qu'on a vraiment la possibilité de demander, de faire une requête d'enquête, même si on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut, au fond. On a des choix de type de requête. Par exemple, je teste les limites de ce formulaire douteux. On a différents sujets de requête et tout ça. Je me demande justement, quelqu'un qui ne sait pas trop, qui n'a pas encore regardé les événements du mois multi, qui ne sait pas trop quoi poser comme question, puis qui vous soumet un type de requête, justement, de tester les limites du formulaire douteux. À quoi on peut s'attendre si vous pouvez voler des petits punchs, là, comme ça? Mais à quoi on peut s'attendre comme réponse? Ça, c'est encore en cours de travail, d'élaboration. Mais je peux vous nommer quelques exemples, justement, de types d'enquêtes qu'on a reçues jusqu'à présent, depuis les débuts de la résidence. On a effectivement des requêtes qui sont un peu plus ludiques, des gens qui nous expriment leurs besoins d'avoir plus d'interactions humaines. Donc, on essaie d'y répondre comme on peut. On a des gens qui, voilà, veulent tester les limites de ce formulaire douteux. Mais on a aussi de véritables curieux, amateurs et amatrices qui nous posent des requêtes comme, par exemple, on vient d'en recevoir une hier de quelqu'un qui nous demande de lui définir ou lui expliquer ce que consiste le rôle du commissaire ou de la commissaire. On a également une requête qui nous demande, selon nous, quelles sont les œuvres ou les spectacles les plus intrigants du festival. On nous a demandé aussi... je réfléchis... Ah oui, on nous a posé une question de quiz qui est relative à une des images qu'on a publiées sur notre tablier, une image où on voit des instruments de musique. Oui. Et quelqu'un nous a demandé d'essayer d'identifier le nombre de pays et de continents de provenance de ces différents instruments. Oh, donc wow. Là, on a des requêtes qui nous posent un peu plus de colle. On doit vraiment mener des recherches pour tenter d'y répondre. C'est très intéressant. Avec les quelques petites minutes qui nous restent, j'aimerais ça mentionner justement la constitution de votre site web qui est assez épatante. C'est très ludique déjà. On passe notre souris sur un petit œil qui fait le tour, une porte, un symbole de la commission d'enquête commissariale. Et ce que j'ai trouvé particulier aussi, c'est que on voit ces symboles-là de gauche à droite, donc on a tendance à vouloir cliquer de gauche à droite pour y aller dans le bon ordre, mais finalement, de gauche à droite, c'est pas nécessairement de haut en bas, c'est vraiment, j'ai vraiment adoré ça, ça m'a fait penser un petit peu à l'exposition virtuelle que vous aviez faite avec, là, bien sûr, je vais dire son nom, puis je vais l'oublier, sur la littérature baroque. Oui, avec Laurence Gravel. Merci. J'avais Laurence, je ne me rappelais plus de son nom de famille. Donc, ça me fait penser un peu justement à ce type d'exploration-là. C'est une équipe qui a travaillé avec vous justement pour constituer ça. Donc, vous avez d'autres enquêteurs, mais vous avez aussi une belle équipe qui vous a aidé à accomplir ce projet-là. Donc, veux-tu nous parler un petit peu de l'équipe qui vous a aidé à réaliser cette résidence-là justement? Ben oui, absolument. En fait, le projet, avant tout, j'aimerais préciser qu'il est rendu possible grâce au soutien de la mesure de première ovation, ce qui nous a permis d'aller embaucher des collaborateurs et collaboratrices précieux et précieuses pour développer la plateforme web. On a travaillé pour le visuel avec Caroline Belzile-Normand, qui on a vraiment donné carte blanche, puis qui s'est prêtée avec brio au jeu. On lui a parlé un peu de notre concept, puis c'est elle qui nous a proposé le tout, avec ce fameux mur de briques que l'on retrouve dans notre bureau même, si vous allez voir sur la diffusion en direct. Donc, on était très contents. Le concept, c'est que, voilà, il y a trois icônes ou trois... illustrations à l'accueil. Il y a cette porte qu'on peut cliquer pour entrer dans et voir notre babillard évolutif, un peu comme si on entrait dans le bureau de la commission. on a cet œil qui nous observe, qui nous surveille, et lorsqu'on clique dessus, on nous voit au travail via la caméra de surveillance en diffusion en direct. Et puis, le logo de la commission d'enquête commissariale qui nous mène directement vers le formulaire. Puis, la plateforme même, on a travaillé en collaboration avec Oli et Fab, artisans web, qui, eux, se sont vraiment amusés avec le concept, puis avec l'esthétique un peu low-tech du visuel que proposait Caroline, eh bien, ils ont souhaité nous montrer, ben, nous créer un peu comme un vieux jeu vidéo où, justement, exact. On ne sait pas trop où cliquer, on s'essaye, puis on voit les résultats. Donc, on est très contente de l'expérience que ça donne. C'est assez simple, mais c'est très réussi. Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est très réussi. Mais c'est déjà tout le temps qu'on avait, mais je tiens à dire que, premièrement, bravo. Quel beau projet et quel beau projet réussi aussi. Je pense que c'est vraiment important de rendre le commissariat, rendre l'art, la critique d'art accessible comme ça. J'espère vraiment que l'expérience va se renouveler peut-être dans un autre contexte. Je vais garder l'œil ouvert comme sur votre site web, avec le gros œil qui nous suit partout. Donc, merci beaucoup, Michel, encore d'avoir été avec nous. Donc, on se laisse pour une courte pause musicale et au retour, c'est déjà l'agenda de la semaine. La pièce Al-Kalimat featuring Nayad Aoun, toujours de l'artiste Firas Nasri de Montréal. Et c'est déjà le moment de l'agenda de la semaine. Et cette semaine, on est tellement heureuse parce que les lieux de diffusion réouvrent. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Entre autres, sujet à risque se poursuit sur les médias sociaux de la bande vidéo avec les artistes Julie Lequin, Stéphanie E. Cregan, Georgia Volpe, Laurence Gravel, Sama Saidi et Charlotte Gosselin. Dès aujourd'hui aussi, vous pouvez aller découvrir l'installation sonore de Caroline Gagné et de Christophe Havard à la Galerie du Lieu. Donc, les heures d'ouverture seront du mercredi au dimanche de midi à 17h et jeudi, donc demain à 14h, ce sera le lancement de leur publication Rivage via la plateforme Zoom. Et c'est aujourd'hui le jour de réouverture pour le Musée national des beaux-arts du Québec, avec notamment l'exposition Turner et le sublime qu'on avait très hâte de découvrir. Donc, on passe sur leur site web pour réserver une plage de visite, puisque c'est comme ça que ça fonctionne au musée. Un autre lieu qui rouvre aujourd'hui, c'est la Galerie des arts visuels à l'Université Laval. Outre le projet d'Isabelle Lapierre, le corridor des Périsprits, qui est visible de la rue depuis le 2 février. Leurs portes vont être ouvertes au grand public pour Bande d'essai 2021, donc Bande d'essai qui regroupe chaque année les œuvres de jeunes artistes en deuxième année du baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval. Et cette 16e édition regroupe les œuvres de Chantal Blackburn, de Delphi Boudreau et de Sama Saidi. C'est enfin l'occasion aussi d'aller visiter Anthropocène, la contemplation de la menace qui rouvre aujourd'hui à la maison Amel Bruno. Puis, vous pouvez aussi découvrir la pratique des artistes de la résidence d'hiver d'Est-Nord-Est lors des présentations publiques qui auront lieu pour une toute première fois en vidéoconférence. Donc, ça fait partie de la région Chaudière-Appalaches, mais c'est bien sûr part intégrante de la vie culturelle de Québec. Et habituellement, il faut se déplacer à Saint-Jean-Port-Joli pour entendre les artistes s'exprimer. Donc là, cette fois-ci, comme je disais, c'est jeudi le 11 février dès 17h et ce seront les artistes Maude Corriveau de Montréal et Karine Locatelli qui vont s'entretenir sur leur résidence d'hiver. Et à 14h ce vendredi, la Chambre Blanche vous convie à la présentation de résidence de Michel Lorrain qui va avoir lieu sur la plateforme Zoom également. Et on avait reçu Michel Lorrain avant les fêtes là, pour parler justement de cette fameuse résidence en collaboration avec Radar en Italie. C'est aussi vendredi que débute l'exposition « Construire » d'Isabelle Falardeau à Regard, Centre d'artistes en art actuel. L'artiste sera présente de le 12 et 13 pour s'entretenir avec les visiteurs. Donc, c'est 6 personnes à la fois pour ce qui est de Regard à Lévis. Puis, à partir du 16 février, vous pourrez voir l'exposition « Confondre l'espace » de Roxy Russell et Lucie Gagnon en personne plutôt qu'en virtuel à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Et c'est jusqu'au 26 mars. Puis, finalement, c'est la dernière semaine pour voir. Bien, il reste déjà que quelques jours à la 22e édition du Mois Multi 2021. Donc, c'est jusqu'au 14 février. On vous invite à aller voir leurs médias sociaux ou leur site web pour voir la programmation complète et ce dont vous pouvez profiter. Et on a jusqu'à dimanche 14 février, jour de Saint-Valentin, pour profiter des magnifiques installations artistiques dans les vitrines de commerce de la rue Saint-Joseph-Est avec le projet Hivernage, au sujet duquel, Myriam, tu t'étais entretenue avec la commissaire invitée Nathalie Côté, l'émission du 27 janvier dernier. Exactement. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatialecrl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec, puisqu'on y garde un agenda le plus à jour possible. Et là, l'agenda est bien plein, enfin, parce que les lieux de diffusion sont ouverts. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Et un grand merci à nos invités de cette semaine, Michel Drapeau d'Alès de vos Empires et Caroline Gagné, ainsi qu'à notre chroniqueuse de la semaine, Delphine Eggesbar. Un salut spécial à notre Joseph Turner de la mise en onde, Jacques Gignac, qui est à la maison, qui nous écoute et qu'on a bien hâte de retrouver en studio. Donc, on se laisse sur une dernière piste de l'album La Levantine de Firas Nasri et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir, Myriam.